le jardin fine. On est avant l'entrée. C'est l'entrée. On a passé des corridors. Voilà, c'est le jardin. Vers le canal. Je marche à côté du canal. Ça, c'est le bassin devant le bâtiment. Je marche sur tout le bassin. C'est le bassin au fond du jardin. Thank you. اصلش اونه مثلا اینجا باز اون هست اینجا یکی این چیزا بینید این ساخته سازمان اونجا این چیچی بوده اینم جان تلاشون بوده اینا C'est un canal de l'eau, mais sans jeu d'eau. Canal au long du jardin dans les axes secondaires. La continuité de famille, du canal. Thank you. Il y a un bassin devant la bibliothèque. Je marche du côté de Clermont. Je continue. J'arrive à un canal au fond du jardin. Ici, c'est le bassin dans un espace d'un désert.